Revenons ce soir à une programmation plus normale. Et je spécifie bien entendu la programmation et pas le reste. Parce que lorsqu'on parle du reste, la normalité est subitement mise à son niveau le plus bas et le moins crédible. Et pourquoi? Ben voyons. Parce que Sinistros est là! Et pourquoi est-ce que je m'acharne sur ce bizarroïde gobelin? Ça aussi, c'est simple. C'est parce que je ne vois pas l'intérêt de prendre le blâme et les reproches, alors que Sinistros, encore une fois, il est là! Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, spécialement lorsqu'ils mettent de côté la folie pour mieux vous servir. Hein quoi? Ils ne sont plus fous? Non! Ils sont cinglés, déments, insensés, absurdes, bizarres, hallucinés et ridicules. Non, désolé. Ce dernier s'adresse à Sinistros. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking and is fucking business. We are Undead Incorporated, cause we said so. Let's go. Don't call on faith in what you are. perfection built on from the start. Could it be just our grace? Have we failed to be this day? It's always give or never take. How much more can we give? How much more can we take? Not now then when? Not now then when? Pain. Soulless fortress of hatred, impaling hands in the- vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation ce 10 avril de l'heure des disgrâces 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h avec mon bras du milieu, pas droit ni gauche, Sinistros. Tant que tu dis pas le petit bras du milieu, c'est correct. Dans mon cas, ça sera jamais petit. Hey, how do you do? Oh, ça file, mais on s'en fout, c'est pas grave. Non, je m'en fous pas ce soir. Hey, on vient d'entendre quelque chose de résolument intéressant. Oui, et toi qui les as boudés pendant si longtemps. Ben, je les ai boudés depuis le début, finalement. On parle bien sûr de Sepultura, formation de Sao Paulo. Écoute, faut que je sois honnête, je les ai boudés depuis bon nombre d'années, moi aussi. Quelques pièces au fil de leur discographie qui étaient quand même... Il y a des albums corrects, là. Oh, oui, des albums corrects. Moi, j'avais jamais accroché à ça. Moi, c'était pas... Je trouvais ça correct, mais sans avoir... sans avoir régulièrement l'envie de les écouter, tu comprends? Mais cette pièce-là était vraiment bonne. Cet album-là, mon cher Sinistros, qui s'appelle Machine Messiah, est excellent. C'est un des highlights que j'ai vraiment retiré du lot en 2017. On a entendu la pièce Resistant Parasites. André Esquisseur qui disait justement en entrevue dernièrement que le line-up actuel était probablement le plus puissant et le plus droit qu'il y avait jamais eu depuis... Mais depuis je le crois, 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure, c'est définitivement une grande vérité que... Que de sages paroles. Oui, tout à fait. Cette pièce, Resident Parasite, comme je disais, tirée de Machine Messiah, c'était leur 14e en 2017 sur Nuclear Blast. Juste avant, nous avions Cavalera Conspiracy de l'Arizona et Spectral War, tirée de leur plus récente parution, également en 2017, soit le 17 novembre, Psychosis, qui était leur 4e sur Napalm Records. Et nous avions ouvert avec Napalm Death de l'Angleterre et l'excellente Greed Killing qu'on retrouve sur leur 6e album Diatribes qui est paru le 26 janvier 1996 sur E-Rake. Et quel était le lien qui unissait ces trois groupes? C'est ce que je m'en allais te poser comme question. Est-ce que tu peux me le dire? Ben, les deux derniers, oui, je le sais. Mais je parle les trois, là. Non, je le sais pas. Ben, c'est simple, c'est trois groupes métal. Évidemment, de Cavalera Conspiracy, Sepultura, c'était Max Cavalera. Je m'en allais dire, t'aurais pu te forcer pour mettre un troisième lien, mais j'attends ce troisième lien. Mais pourquoi je me forcerais alors que tu le fais à ma place? T'as bien raison. Ben oui. Ce soir, nous avons, comme à l'habitude, des présentations de nouveautés en Deux excellentes nouveautés. Et Memoriam, dont nous parlerons allègrement chacun à notre tour tout à l'heure, mais aussi, dans quelques instants... Si je ne m'abuse, oui, ou presque, eh bien, ce sera la deuxième présentation de l'évolution du métal selon Sinistros. Et partie 2, effectivement. On vient de couvrir les années 1972 à 75 à peu près. Là, on commence à condenser un peu plus. Puis je pensais que j'étais pour passer les années 70 assez rapidement, il y a du stock. Oui, il y en a beaucoup, t'as entièrement raison. En faisant ce bloc-là, ça faisait celui-là aussi. Finalement, je me suis fait trois blocs, fait que j'en ai pour trois émissions, donc c'est bon. Ah ben c'est parfait. Oui. C'est parfait. Non, c'est je trouve que il semble avoir une bonne réponse d'ailleurs sur ton segment. Ben je pense que oui, tu sais, c'est... Je dis ça pour t'encourager, j'en ai aucune idée. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Non, j'ai eu quelques commentaires positifs, définitivement, qui semblent, sans être probablement des commentaires de questionnement, mais bien des commentaires d'appréciation. C'est bien. Bon, il faut bien que tu fasses quelque chose de bien à l'occasion. Effectivement. Bon, qui peut-être sera pas le cas encore ce soir, mais... Jamais. Non, mais tu sais, j'essaie de me forcer. Ça, tu réussis excessivement bien. Mais avant de faire ta présentation et ton petit laïus qui l'accompagne, on va aller tout de suite en pause, parce que sinon, on va en avoir pour un petit bout, hein? Peut-être. D'accord. Effectivement. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là où je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait qu'attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus. C'est fou, 89.1. Hé hé, sommes de retour. Bon, ben comme on le disait avant cette extraordinaire pause publicitaire, n'est-ce pas, mon cher? La deuxième présentation de l'évolution du métal selon Sinistros. Selon moi-même. Ça a l'air, c'est ce qui veut dire que c'est pas grand-chose. Finalement. C'est vraiment rien. Non. C'est rien du tout. Mais j'aime beaucoup, par contre, ton humilité. Je suis né avec ça, que si tu veux. Oui, tu vas probablement mourir avec aussi. Oui, il y a bien des chances. La grosseur que j'ai, je suis pas ferré pour m'enfler la tête. Non, mais c'est ce qui te beau, toi, hein, l'humilité. C'est en plein ça. Oui, d'accord. Ben, je me délecte. Humilie-toi comme tu le veux. C'est plus l'humiliation que de l'humilité. Non, sois pas modeste. OK. Il y a deux semaines, on a parti le premier segment de l'évolution métallique selon mon moi-même, avec quelques petites branches issues des années 60. On avait entendu un riff de The Kicks, on avait entendu des riffs des Beatles et de je me souviens plus qui finalement. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un blanc de mémoire, là, c'est correct. On continue avec l'année 70, parce qu'on avait terminé avec Black Sabbath, Sir Lord Baltimore et Lucifer's Friend. Ouais. On va continuer avec des grands du hard rock qui ont aidé à façonner beaucoup le heavy metal d'aujourd'hui, c'est Deep Purple. Deep Purple ont eu un line-up à un moment donné, ils ont sorti trois albums comme back-à-back. Parce que c'était vraiment intense. Là. Ben, c'était du proto-métal. C'était du proto-métal, effectivement, avec des pièces comme on va avoir Speed King présentement. Ouais. On a eu Fireball, Smoke on the Water, qui était un peu plus heavy. Ouais. On a eu des Iowa Star et compagnie. Donc, c'était des pièces qui étaient. Des pièces mémorables. Ben, mémorables et pas mal plus heavy que la moyenne. Avant-gardiste. Oui, c'est ça. Oui. Ça va être suivi d'une pièce de Rush. Oui, indéniablement. Pourquoi ouais. Rush? Ben, là, le monde m'a dit, ben, pas mes temps. Ben, c'est l'évidence, pourtant. Rush ont commencé par être un groupe de hard rock beaucoup plus poussé. Avec les années et les quelques albums qui ont suivi, ils se sont dirigés vraiment vers un progressive rock presque métal. Oui, aussi, oui, oui, oui, oui. C'était assez élevé. Donc, ça a été des précurseurs pour ce qu'aujourd'hui, on peut appeler le progressive metal. Sans Rush, il n'y aurait pas ça aujourd'hui. C'est impossible. Je suis bien d'accord. On va terminer avec un groupe qui est peut-être pas méconnu, mais que les gens ne penseraient jamais qu'il pourrait faire partie de cette histoire métallique. Scorpions. Je suis obligé de dire que tu as raison, même si je suis pas un grand fan de Scorpions. Je suis pas un fan non plus, mais Scorpions ont ouvert la voie à bien des choses. Surtout, ça a été des pionniers en Allemagne pour ce type de musique heavy. Oui. Surtout à l'époque où tu avais les deux frères Schenker ensemble. Puis là, t'as Uli John Roth qui s'est mêlé à ça avec le vocal de Klaus Main là-dedans. Puis Herman Rarbell était un bûcheur. Oh, c'était un bûcheur, ça, oui, c'est fait, effectivement. Fait que Scorpions, sur l'album In Trends, qui est le premier album, ça a donné comme un coup d'envoi en Allemagne, puis un coup d'envoi aussi à travers le monde, à dire, t'as une minute, là, il y a peut-être de quoi pas mal péter qui s'en vient, là. Oui. Fait qu'on va commencer tout de suite avec Deep Purple et la super Speed King, qui est apparue en 1970 sur Deep Purple in Rock. Ça sera suivi de Rush, avec Working Man, tiré du premier album Rush, paru en 1974. Et Scorpions, et la pièce Dark Lady, pièce d'ouverture de l'album In Trends, paru en 1975. Allons-y, gaiement. Let's go. Do it, do it. I'm a speed king. You gotta heal me, baby. 'Cause I'm a speed king.

while darkness is filling my eyes. Sitting and watching the sunrise, darkness is filling my eyes. C'était cool, ça, mon Sinistro. Très bonne toune. Ouais. Même surprenant quand on connaît le Scorpions d'aujourd'hui qui est... Moi, je l'ai tout le temps dit. Très mou. J'ai jamais été un fan de Scorpions. J'ai jamais été un fan de Scorpions, mais le vieux Scorpions, oh, il y a des choses que je trouve très correctes. Très bonne toune. Entre autres, cette pièce-là, je trouve très bonne. Effectivement. Scorpions qui avait donné le coup d'envoi aux prémices du heavy metal allemand, ça bouillonnait, là, ça s'en venait, tu sais. Il faut se rappeler qu'à l'époque, même, principalement à cette époque-là, il y avait une émergence extraordinaire de l'Angleterre. Là. En Angleterre, c'était fourette. Mais l'Allemagne aussi s'en venait. Il y avait une genre d'ébullition, surtout au niveau de la musique underground. Mm-hmm. Les Allemands, l'Angleterre, la France aussi a été... Il y a justement des groupes français qui vont probablement s'en venir dans ce bloc-là. Mm-hmm. Tu sais, des affaires comme Trust, puis tu sais... L'Allemagne commençait déjà à être poussée un peu vers l'électronique. Hein? Les Allemands étaient très, très puissants avec un groupe comme Kraftwerk, mm-hmm. qui t'a donné... T'as ouvert la porte à l'industriel, au New Wave et tout le kit. Mm-hmm. Là, ils partaient pas en peur. On parle de New Wave et réanimation. Ça donne pas des boutons, cette affaire-là. Là. Faites-vous-en pas avec ça. C'est pas grave. Là. On va parler de synthétiseur aussi. Là. Paniquez pas. Non. C'est pas contagieux. Pas de trop. Il y en a qui le croient, par contre. Oui, possiblement, effectivement. Donc, Scorpions, qui avait littéralement parti le bal... une ou deux années après, Accept était arrivé avec le premier album, puis c'est sûr que c'était moins connu à l'époque, pis tout, mais il y a un paquet de bands qui sont... Ça s'en venait, là. Ça s'en venait en Angleterre aussi. Ouais. On va voir dans deux semaines, il y a des gros, gros noms qui s'en viennent, tu sais, mm-hmm. pour ne pas le nommer non plus. Là. Oui, on se doute un peu qui. Ouais, c'est ça. On dira pas que c'est Sad Wings of Destiny. Non. Ah ben, je pensais pas aux autres pantoufles, moi. Je pensais pas aux autres. C'est quoi ce groupe-là? Quand t'es pas ça? Tout juste avant, on a eu Rush. Ben oui. Est-ce que j'ai eu raison de mettre Rush? Je pense que oui. Tout à fait. Parce que Rush, instigateur, oui, a été beaucoup plus progressif, beaucoup plus avant-gardiste au niveau canadien. Oui. Sur de la musique un peu plus pétée. Oui, et tu lèves un point intéressant que lorsque tu parles de groupe canadien, à cette époque-là, on parle de 74 pour Rush, le premier Rush. Au Canada, oui, il y avait des trucs qui se faisaient. Il y avait les Neil Young et compagnie, tu sais, qui roulaient depuis déjà leur boss un certain nombre d'années. Mais il n'y avait rien qui avait encore été avec, comment je pourrais dire, avec cette exposure-là. Pas l'exposure, sauf qu'au Québec, t'avais des bandes de progressifs purs et durs qui étaient complètement capotés. Mais là, Rush arrivait avec une musique beaucoup plus hard. Beaucoup plus heavy. Oui, c'est moins psychédélique, moins... C'est 1, 2, 3, paf dans le front. Exactement. Là, c'est le premier album est beaucoup plus hard rock très poussé. En fait, c'est même un hard rock, je te dirais, très pur. Oh, c'est très, très pur. Et relativement, je dirais, dépourvu d'artifice. Là. Oh, mais tu sais, c'était quand même... Il y a un niveau de technicité là-dedans. Ouais, c'était quand même... Bien sûr. Oh, oui. C'était pas mal au-dessus de la moyenne. Oh, on voyait que c'était des bons musiciens. T'sais, on voyait des Purple, tout ce que ça clenchait, mais Rush est arrivé, puis regarde, on va te clencher une autre... Ben, écoute, une autre coche. Oui, l'aspect technique de la chose, Rush, ils ont mis une barre un peu plus haute. C'est en plein ça. Fait que ce qui a conduit éventuellement au gros progressif un peu plus éveillé. En même temps, t'avais les Yes et compagnie. Oui. Je ferais pas jouer Yes à réanimation parce que c'est, ça aura peut-être pas rapport avec le métal non plus. Ben, là, c'est un peu loin, là. C'est un petit peu loin, là. Tu sais, mais Rush, oui, t'avais un petit côté, ouais, petit côté pas mal plus éveillé. Oui, oui. On a eu Deep Purple, bien évidemment, qui a clôturé l'année 70 avec l'album Speed King, qui est apparu sur Deep Purple and Rock, qui est apparu sur Harvest en 70. Pourquoi je peux aller avec d'autres albums de Deep Purple? Pourquoi je peux aller avec d'autres albums de... Peu importe, là. T'sais, Black Sabbath, après, on verra pas fou avec ça. Ben là, c'est parce qu'on peut, on pourrait passer 10 ans, c'est en là, plein, ça, tous les jours, si on voulait. Si on regarde la posologie métallique de toutes ces années-là, c'est toutes les mêmes bands qui reviennent, tu sais. Oui. Fait que d'année en année, il y en a qui sortent même jusqu'à deux albums par année. Ah oui. Fait que là, c'est à l'époque où les musiciens étaient productifs. Oui, ça va l'air être moins compliqué de mettre les disques en marché. Ben, il y avait moins de groupes aussi. Oui, définitivement. Mais ce qui est bon dans cette histoire-là, c'est que en choisissant Deep Purple in Rock, qui était leur quatrième album, ben, tu nous amènes ce qui est le line-up classique de Deep Purple avec Ian Gillan, avec Richie Blackmore, avec Ian Paice, Roger Glover, John Lord. C'est vraiment là, les gens qui ont Deep Purple en tête. Souvent, c'est ce line-up-là. Ben, ça devrait être ça. Oh, oui, c'est ouais, ça. Tout à fait. Pas mal bien, ça. C'était très bon, ça. Oui, oui, oui. Écoute, c'est un deuxième bel opus de ton évolution métallique. Grand-mère, tais-toi donc. Non, grand-mère avait raison. Ça, ben, grand-mère, qu'est-ce que t'en as pensé, sans blague? Pas si pourri, ça, finalement. Mais je suis curieux de savoir ce que c'est qu'en pense aussi notre sommité. Hein? Ben, il a l'air à trouver ça pas si mal. Oui, ouais, pour une fois, il est pas trop chialeux. Ben, merci, Horace, de ta collaboration. C'est toujours très apprécié. Relatif étant dit. En passant, grand-mère devrait faire le frontispice de l'affiche de la semaine prochaine. Ah oui! Parce que vous savez, grand-mère a aussi ses secrets. Oui, définitivement. Vous savez, notre laboratoire a beaucoup d'existence. Vous imaginez qu'il y a juste 18 ans, ce laboratoire-là, mais grand-mère est venue pas mal avant nous oui. autres. Puis oui, il y a beaucoup d'existence, mais il y a beaucoup de vie dedans aussi. Oh, ben, ouais, de mort aussi, là. Oui, oui. Puis, en fait, c'est un heureux amalgame de toutes sortes de choses que vous voudriez pas voir. La première présentation de la soirée de nouveautés. Ben oui, c'est encore moi l'honneur. Ben de... oui. Hey, c'est le fun. Album. Ben le fun, c'est relatif. Là. C'est vraiment, ouais, c'est tout le temps ça. Mais ouais, c'est pas grave. Album qui a retenu beaucoup l'attention en 2018 puis qui a vraiment frappé fort. C'est le nouvel album de Rivers of Nail. Hey, là, je vais avoir l'air d'un épais, là. Ouais. Mais je l'ai même pas écouté encore. Ben, c'est pas grave. T'es pardonné, c'est pour pouvoir écouter ça. D'accord. Rivers of Nail, vous pourrez aller lire ma chronique sur Hurlemort. Ils ont monté de 8 coches, là. Ah oui? C'est complètement capoté. OK. Ils ont rajouté des éléments ultra progressifs. Il y a du saxophone là-dedans, il y a des instruments, il y a des instrumentations complètement débiles. Non, dis-moi pas qu'il y a des flûtes, là. Non, ils n'ont pas mis de flûte, par exemple. Okay. Mais du saxophone, oui, il y en a. Ben, ça, c'est pas si pire. Non, c'est cool, ça donne un son, il y a un grain à la musique. Explore beaucoup avec les vocaux clean, avec la dualité entre le plus smooth, puis avec le super agressif, puis super technique, là. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment fort, ouais, l'album. OK. On va entendre deux pièces de l'album qui s'appelle Where Owls Know My Name. C'est un album qui va se classer très, très haut. Je pense que j'ai donné une affaire comme 9.2. Oh boy, il est sans larmes d'un généreux, soudainement. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Ouais. On va entendre les pièces The Silent Life et Subtle Change. Ils ont fait vraiment un changement subtil. Subtil, dit-il. Ouh, allons-y. Rivers of Nail, la réanimation. Let's go. We'll be right back.

êtes à CIFU 89.1. Pour plus d'informations, visitez CIFU.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis, aujourd'hui. Souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. C'est 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFU? À Trois-Rivières, c'est 89.1. 20h06 et vous êtes à l'écoute de Réanimation, The Haunted Incorporated Show, en compagnie de cette pestilentielle truchose, machin. Truchose. Comment il s'appelle déjà? Lui. Ah oui, voilà, lui! Sinistro, c'est moi-même, votre bon docteur. Et on vient d'entendre la première présentation de nouveautés. Oui. Sinistro. C'est du flambant neuf il y a quelques semaines. C'est du flambant neuf. Flambette. De quelques semaines. Puis c'est pas passé date encore. Des fois, c'est encore bon une couple de mois, là. Ouais, mais c'est très éphémère, ça. Non, celui-là risque d'être pas pire pour un bout, là. J'imagine. Oh, oui. Rivers of Nail de la Pennsylvanie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est aux États-Unis, ça. Oui, mais c'est où, ça, les États-Unis? Les États-Unis? Peut-être qu'on est mieux pas le savoir présentement. Actuellement, t'as raison. Peut-être, en tout cas, je plains les pauvres Américains présentement. Vu qu'ils vont probablement devenir pauvres. Oui, ils vont devenir très pauvres et pas mal. Là. Pas mal silencieux. On a entendu les pièces Subtle Change et The Silent Life. C'est paru il y a quelques semaines à peine sur l'album Where Owls Know My Name sur Metal Blade. Alors, excellent album de Rivers on the Hill qui viennent de monter leur barre tendre très haute. Ouais, ça va l'air bien, effectivement. Oui, excellent. Troisième album pour cette formation qui a vu le jour en 2009. Je vais m'attarder à ça, définitivement. Oh, c'est très bon. Ouais. Puis je te garantis que tu vas t'attarder à ma présentation de la semaine prochaine. Ah oui? Oh, que oui. Non, ben j'ai déjà une idée de ce que c'est. Ah, ça s'est mérité la plus haute note décernée par Hurlemort. Semble-t-il. C'est pas rien. Oui, tout à fait. Bien, moi, la présentation que je ferai cette semaine s'adresse au groupe Memoriam. Et Memoriam, ben c'est le projet qui a vu le jour quand... Bolt Warrior a cessé ses activités parce que leur batteur est décédé, bien entendu. Et c'est le projet qu'a instigé Carl Willett, qui était le chanteur de Bolt Warrior. Avec un premier album plutôt décevant. Ben, écoute, le premier album, c'est For the Fallen, qui est paru l'an dernier, en 2017. Ouais. Je l'avais présenté, je crois que c'est... vers la fin des derniers épisodes de réanimation avant la pause estivale. Puis, il y avait des trucs que j'avais trouvé corrects dessus. Oh, mais pas pire riff. Mais c'est pas un album très fort. Non. Non. Ici, avec The Silent Vigil, qui est paru je vais vous le dire, le 23 mars, c'est-à-dire, c'est très vieux, dans le fond. Oh oui. Il est même plus vieux que Rivers of Nail. Il est plus jeune. Il est un peu plus jeune, oui. Ouais. Ben, j'ai pas trop su quoi en penser, honnêtement, lorsque j'ai... Moi, je l'ai pas écouté encore. Hein. Première écoute, je savais pas quoi dire. Je me suis dit, bon, moi, j'ai un petit temps d'arrêt, je vais revenir dessus. C'est sûr et certain que si t'écoutes un album et tu fais pause, ben, ça te donne pas une bonne idée. Ah, ben, c'est peut-être ça, la fin. C'est ça. Ah, OK. Vas-tu te garder longtemps, toi, je sais pas. j'ai réécouté l'album à trois reprises, et puis finalement, je me suis dit, OK... la forme, comment pourrais-je dire, le concept, le vouloir derrière tout ça est intéressant. Parce qu'un peu à l'instar de ce que Bolt Quarry faisait, Memoriam, c'est un peu axé sur la guerre, si on veut, tu sais. Concept de guerre mondiale, et ainsi de suite. Principalement la deuxième. C'est quelque chose que j'aime assez généralement dans. Ben, un peu comme I Love Bullets. Et oui, tout à fait. Guard the Throne avec le dernier album, et tout. Bon. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais le réécouter. Mais finalement, je me suis dit, moi, peut-être que je vais en diffuser une pièce, mais seulement qu'une. Parce que j'ai considéré que c'était la seule qui était vraiment digne d'intérêt, honnêtement. Donc, la pièce que je vous propose, c'est From the Flames, qui est tirée de leur deuxième album, The Silent Vigil, qui est paru le 23 mars dernier sur Nuclear Blast. Memoriam. Let's go. Flames, resurrected life, in flames. Memoriam et la pièce From the Flame. Curieusement, j'avais donné un 9 sur 10 au premier album. Écoute, en fouinant un peu sur les interwebs et retrouvant mon site Hurlemort à quelque part. Fait que tu racontes n'importe quoi. Possiblement. Oui. je pense que quand tu vas écouter cet album-là de Silent Vigil, je crois pas que tu y donnes un 9. Non. Hein? Non. OK. Honnêtement, cette pièce-là, From the Flames, moi, je la trouve répétitive, mais je la trouve bonne. Oh, c'est un bon petit riff. Oui, le riff est correct, mais c'est très répétitif. Mais écoute, Carl Willett, sur l'album, a de la misère par moment. La production est... La production aussi, est très ordinaire. Oui, la production est très ordinaire. Lui, écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même deux anciens membres de Bolt Thrower avec Frank Ealy puis Carl Willetts. Avec qui s'est associé, c'est Andrew Whale, qui est un ex-Bolt Thrower aussi, ainsi que Scott Fairfax de Benediction. C'est des vieux routiers, là, on s'entend, là. C'est des musiciens qui en ont vu d'autres. Mais, même à l'époque de Bolt Thrower, Carl Willett, c'était pas un grand chanteur, mais ça faisait la job avec le style musical qu'ils avaient. Ça nécessitait pas d'avoir des vocalises en amplifiné puis un pouvoir extraordinaire. Mais là, il y en a justement plus de pouvoir, là. On voit qu'il est à côté vraiment là, au niveau de ses limites vocales. Donc, ça mérite un 6,5 sur 10 pour moi. Ouch. Seulement pour une chose, c'est que je vois qu'il y a quand même un effort derrière ça. Il y a un effort de vouloir. Mais tu le dis, le premier album est sorti pratiquement une année, jour pour jour. Ça laisse pas beaucoup de temps pour se ressourcer et la créativité. Là. Peut-être qu'il tourne, je sais pas. Peut-être qu'il tourne pas, peu importe. Peut-être que c'était des pièces rejet, puis disons, selon le contrat, on va sortir un deuxième album. Ça peut être une hypothèse qui est à retenir, ça. Anyway, Memoriam. Je vous fais la chronique cinéma de la semaine qui, soit dit en passant, est relativement intéressante cette semaine. J'avais dit la semaine dernière que je vous parlerais de la série télévisée Ghost Wars, qui est une série d'horreur qui met en perspective aussi des éléments de science-fiction. Une série de Simon Barry avec... est-ce que t'as vu Sons of Anarchy? Ben, qu'est. Bon. Tiggs. Oui. Il joue là-dedans. Oh non. Oui. Pas lui. Oui. Sa mère va être Evan Jogia ou Yogia, Et c'est ça se passe en Alaska. Alors que ce petit Roman Mercer, qui est le fils d'une soi-dite médium qui est disparue, voit les revenants de tous ceux qui sont morts. Il les côtoie quotidiennement. Quotidiennement. Mais à certains moments donnés, jusque-là, ça allait. Il passe évidemment pour un weird, si tu veux, pour la communauté de... C'est pas un peu redondant comme style d'histoire? C'est pas mal déjà vu? Oui et non. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette même ville-là, il y a un laboratoire qui expérimente un accélérateur de particules. Et cet accélérateur-là de particules a une défaillance. Il l'échappe complètement. Il perd le contrôle de la bébelle, la machine, si tu veux. Et c'est probablement ce qui a créé une faille entre les plans. Oh. Et c'est pour ça que c'est un free-for-all. Là, on peut tomber dans un côté un peu plus intéressant, oui. Par exemple. Et je veux pas, je voudrais pas te dévoiler aucun punch, là, mais je te dirais qu'il y a une forme d'intrigue et d'action qui se m'embranle, qui est fort intéressante, et par moments, qui peut être assez, je dirais, explicite. Donc, Ghost War, c'est la première saison. Je pense que ça vaut amplement la peine d'être regardé. Ça s'écoute bien, c'est 13 épisodes. C'est... Il y a un petit aspect, je dirais, qui est... Oui, déjà vu, j'en conviens. Mais quand même, c'est très divertissant. Autre truc que j'ai écouté, moi, j'aime beaucoup Tom Hanks. Je trouve que c'est un très bon acteur. Ça dépend des films qu'il a fait. Eh bien, pas pour celui-là, The Post. C'est pas bon? Oh! Je me suis... Ben, qui met en vedette aussi, bien entendu, Meryl Streep et Sarah Paulson, qu'on a connu beaucoup pour American Horror Story. C'est un drame historique. C'est un drame historique qui raconte le New York Post qui veut mettre à jour les manigances pendant la guerre du Vietnam du gouvernement Nixon, et ainsi de suite. C'est d'une lenteur, mon ami, mortelle. C'est d'une lenteur assommante et qui plus est, endormante. J'ai vraiment pas aimé le film, mais vraiment pas. Et j'ai même pas été capable d'apprécier le jeu de rôle de Tom Hanks, qui habituellement, je le trouve vraiment très bon. Ici, il est très flatliner. Donc, j'ai vraiment pas apprécié The Post. Par contre, le film Muse, qui est un film d'horreur, connotation fantastique, qui est un film espagnol. Tu sais que les Espagnols, ils ont... Au niveau du cinéma, c'est on ou off. Oui. Mais ben là, c'était on. OK. Qui raconte une histoire assez originale dont on parle de sept femmes, sept muses, qui ont chacune un pouvoir particulier et dont le but est d'influencer les mortels à travers la littérature et la poésie. Et le protagoniste est, qu'est-ce que c'est? Un professeur d'université en littérature. C'est le foin. Ben oui. Donc, il est en amour avec une de ses étudiantes qui, elle, ne sait pas qu'elle est une muse parce que, comme elle avait des sentiments humains, elle a été bannie du cercle des sept femmes et on lui a effacé la mémoire. Mais comme elle a décidé d'enfanter, elle devient la proie de ces muses-là pour l'éliminer. Donc, c'est vraiment un film d'horreur original. C'est un film d'horreur, oui, mais c'est un peu trailer aussi sur les bords. Et ma foi, c'est passablement tordu par moments, dans le sens que on va nous chercher par le scénario des aspects qui sont très inattendus. Donc, Mio, c'est un bon film à voir. Mais faut pas s'attendre à voir le film du siècle, on s'entend, là. Mais c'est beaucoup mieux que Vendredi 13, par contre. Ce qui est pas très dur à battre, faut dire. Donc, un film qui met en vedette Elliot Cohen, Franca Potente, qu'on a déjà vu dans plusieurs films, ainsi que Una Uhuru, que je ne connais pas. Una Uhuru? Uhuru. Et c'est le réalisateur du film Wreck. Est-ce que tu as vu le film Wreck? Non. Non? Très bon film. Très, très bon film, Wreck. C'est un film qui se passe caméra à l'épaule, mais c'est un des seuls films caméra à l'épaule. Un des rares, pour le moins, j'ai pas trouvé à chalet. J'ai jamais été très fan de ça. Celui-là s'écoute très bien et c'est vraiment très bon comme film. Et très, très, très, très, comment je pourrais dire, très thriller, justement. Mais Mew, c'est le même réalisateur. Donc, c'est un film que tu devrais potentiellement aimer, mais toi, t'aimerais rien. C'est clair. Ben voilà. Et ce qui est en salle actuellement, ben c'est le film A Quiet Place, un film d'horreur de John Krasinski, ainsi que Ghost Stories. Donc, c'est un film qui semble avoir une cote mitigée, mais qui m'attire beaucoup, donc je vais certainement l'écouter éventuellement. Musicalement, on continue dans cette lignée avec... Fais-tu la pause avant, cher ami? Ah ben oui, alors qu'il est là, on va faire la pause avant. On revient après la pause. D'accord. C'est fou! Vous êtes assez fou! Pour plus d'informations, visitez cfou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. FM. We're back. Eh bien, next, on va avoir un petit bloc de succès souvenirs. Oui, mon petit Pierre Lalonde. On va commencer par nos saucisses polonaises préférées. C'est pas des cornichons? Ah, peut-être. Ben oui, c'est encore mieux des cornichons. Ben c'est ce que tu disais à l'époque. Ouais, mais je pensais que c'était BMA les cornichons. Ben, donc, je pense que t'avais une vilaine tendance à dire que tout ce qui venait de Pologne était cornichon. C'est vrai, je me souviens de ça. Je veux prendre ces saucisses, là, fait que c'est moins pire. Mais moi, j'aime plus les saucisses que les cornichons. D'accord, ce sera des saucisses polonaises, alors. D'accord. Allons-y avec un succès souvenir paru... paru sur l'album Welcome to the Morbid Reich, qui est paru le 12... Reich. Oui. Qui est paru le 12 août 2011. Vader, avec la pièce de Dark Eye. Ça sera suivi de Les Américains de Abysmal Dawn. Ouais. Avec la pièce Perfecting Slavery, qui est parue sur Obsolescence, qui est parue en 2014 sur Relapse. Mm-hmm. Et on terminera avec l'excellente Deluge of Delusional Dreams, parue sur l'album Emissaries. Quel album! Melekesh. Ben oui. Parue sur Osmose Productions en 2006. Allons-y tout de suite avec nos chers Polonais. Vader. Let's go! Chariots,

Well, 20h42, et ça fait toujours du bien d'entendre du Marrakech. Ben, qu'un. Quelle bonne formation, hein? C'est sûr. Mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti d'album, là. Oui, ça fait un petit bout de temps. On serait dû. Marrakech, Deluge of Delusional Dreams, qui est paru sur l'album Emissaries. Mm-hmm. En 2006, paru sur Osmose Productions. Le premier album de Marrakech à avoir une bonne production. Oui, tout à fait. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que Sphinx avant, ou les autres albums, ça sonnait un peu bizarre. Ça sonnait un peu bizarre. Ben, Marrakech, qui sont partis de Jérusalem pour aller en Hollande, et maintenant, qui sont des Allemands. C'est vrai? Ils restent en Allemagne maintenant. Bon, ouais. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou bien peut-être que c'est les pays qui savent pas ce qu'ils veulent. Possiblement. Abysmal Dawn de la Californie avec la pièce Perfecting Slavery. C'était paru en 2014 sur l'album Obsolescence, paru sur Relapse. Et on a eu nos chers cornichons saucissons polonais. Vader avec la pièce The Dark Eye qui est paru sur Welcome to the Morbid Reich, paru en 2011 sur Nuclear Blast. Un des bons albums de Vader. Un des très bons albums. Un peu court par contre. Très court, mais ce qui nous fait oublier la dernière apparition du groupe qui était... C'était pas fort fort. Avec une production push et des petits riffs gnangnan. Ouais, ça sentait le réchauffé. Ça sonnait le reject un peu. Ça sonnait là. Pas très bon. Là. Ouais, non, j'avais pas été très très impressionné moi non plus par ce dernier album. La semaine prochaine, Sinistros et moi, nous allons vous parler du nouvel album d'Augury. Ben oui. Ça allait bien qu'on en parle. J'ai sorti ma chronique hier matin. Album Illusive Golden Age, qui a pris 9 ans à concocter et à sortir. Tout à fait. Album qui s'est mérité un gros 9.6 sur Le Mort, qui est la plus haute note jamais décernée. Ben oui, tu m'as dit ça depuis 2011. Oui, c'est quand même pas rien. Là. J'ai pas entendu encore l'album, mais la façon que tu m'en donnais. C'est musicalement parlant. Des impressions, c'est là. C'est vraiment fort. Je suis curieux d'entendre ce qu'ils font. Tant qu'à moi, je vous présenterai une formation qui porte le nom de Convocations et des extraits de leur premier album, Scars Across, qui est une formation qui donne dans un death très doom loud et très lourd, pesant. Comment ça s'appelle, l'autre? Convocation. Donc, formation qui vient de je vais te dire ça à l'instant, là, j'ai souvent... Nicolette Sud. Oui, absolument! De Finlande. Donc, ce sera nos présentations la semaine prochaine, bien sûr, avec le reste de nos cochonneries habituelles. Eh oui, effectivement. Aussi, ce vendredi, eh bien, ici même, assez fou, 89.1 FM, c'est Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock, émission à laquelle je ne participerai pas cette semaine. Et le Rockmaster vous présentera les segments habituels de Rock Classique, c'est-à-dire les éphémérides, les albums classiques, les groupes obscurs, ainsi que la programmation la plus rock des ondes. Et notre ami DJ Tower of Death sera présent ce vendredi pour une autre émission de Subversion que vous pourrez entendre sur SoundCloud en podcast. Oui. Et je vous invite aussi à aller voir le blog de notre ami ici présent. Ben, notre ami, pas le mien. C'est là, pas mais... un ami. Là. Non. De ce gobelin ici présent. Oui, ce puant gobelin. Sinistros, le blog sinistroshurlemort.com avec ses chroniques. D'ailleurs, où vous pouvez aller lire en entier les chroniques dont il vous parle ici à Réanimation. Et je dois dire, à sa défense, que Sinistros a une belle plume. Donc, c'est une plume d'aigle. Oui, c'est juste que je vous dirai pas où il la porte. Non, c'est pas une bonne idée. On va conclure cette émission aussi avec... c'est moi qui l'ai conclu cette semaine avec une formation. Un bloc, je pense que vous vous en doutez, de death metal. Ah, tu fais pas ça! Non, dans laquelle on va entendre des formations Immolation, formation pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Formation de New York avec la pièce Keep the Silence qui est tirée de l'album Kingdom of Conspiracy, leur 9e paru le 10 mai 2013 sous l'étiquette Nuclear Blast. On va entendre une formation qu'on aurait... peut-être pu avoir. Hey, j'ai rien d'oublier. Le Metal Fest, j'ai oublié d'en parler. J'ai assisté au Metal Fest le vendredi seulement, soit vendredi dernier. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. Ben non, des fois, les obligations qui sont... hors de notre contrôle. Tout à fait. Eh bien, simplement pour vous dire que c'était une super belle soirée. C'était une organisation extraordinaire. Les gens de Trois-Rivières Metal ont fait un super boulot. Ça a marché 1, 2, 3. La salle est extraordinaire. On est à des années-lumière sinistres de ce qu'on a pu voir avec la bâtisse industrielle. Ben, tant mieux. C'est super. Son, éclairage, projection. Tout était au rendez-vous. C'était une super belle réussite. Et j'ai cru savoir que le samedi avait marché tout aussi bien. Donc, je suis très heureux. Et félicitations aux gens de Trois-Rivières Metal. Tout à fait. Et à tous ceux qui ont assisté, bien entendu, de les avoir encouragés. Donc, je parlais qu'on aurait peut-être pu voir Incantation au Trois-Rivières Metal, mais finalement, ça l'a avorté pour une raison technique, bien entendu. Mais on va les entendre ici à réanimation avec la pièce Progeny of Tyranny, tirée de Vanquish and Vengeance, leur 9e album paru le 26 novembre 2012 sous étiquette Listenable. Et on va conclure avec Decapitated de Pologne. C'est d'autres saucisses. Oui, les autres sont très saucisses présentement. Ouais. Ils sont peut-être même très cornichons. Là. Moi, je les adore, les Capitaines. Oh non, c'est très bon, c'est très bon. Mais avec toute la saga qui est arrivée... Ah, ben là, écoute, ouais, durant l'année 2017, ben ouais, c'est sûr. C'est vraiment des cornichons. Ouais, là, bon, mais ça n'enlève rien à leur musique. Non. On va entendre Veins, qui est tiré de leur 6e album, Blood Mantra, paru le 26 septembre, également 2014, sur le Clear Blast. On se retrouve la semaine prochaine. Les gens de Matière Noire vont être là à 21h. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. See you. Oh. Je vais pas le citron.